Merci Maïlys et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Entendez-vous l'écho. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi, dernier moment de notre série consacrée à Valérie Larbaud dans la compagnie des auteurs. Une émission qui vous est proposée par Laurence Genepin, Laurence Millet, Anne-Vanessa Prévost, Laurane Travalli-Chanal, Didier Pinault et Yanis Djoudad. Larbaud, héritier des eaux de Saint-Thior, a vécu toute sa vie des rentes laissées par son père, mort alors qu'il n'avait que 8 ans. Il a été élevé sous la tutelle d'une mère qui le placera sous surveillance et c'est en partie par les voyages et la littérature qu'il construira son identité propre, comme nous l'avons vu lundi avec Béatrice Mousseli dans une émission à retrouver en podcast. Larbaud était un écrivain cosmopolite, un citoyen du monde qui pensait qu'un gouvernement, sinon mondial, au moins supranational, aurait été souhaitable et qui trouvait ridicule l'esprit nationaliste du XXe siècle. Gilles Charbonnier nous le racontait, c'était mardi. Enfin hier, nous sommes revenus sur cette partie importante de l'œuvre de Larbaud que sont les nouvelles sur l'enfance, enfantine, ainsi que sur Fermina Marquez, court roman de l'adolescence. C'était avec Nelly Chabrol-Gagne et c'était avant que Nathalie Frolov ne nous parle, en seconde partie, du texte 200 chambres, 200 salles de bain. Et aujourd'hui, en seconde partie, après la chronique de Marc Poré, je recevrai Christine Cossefi pour parler du paysage chez Larbaud. Mais tout de suite, pour aller plus loin dans la découverte du personnage central de Larbaud qui est Barnabous, nous sommes en votre compagnie, Amélie Ozou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement en sixième année de thèse déjà et vous travaillez sur le cosmopolitisme chez Larbaud, sujet qu'on a donc abordé lundi avec Gilles Charbonnier. Est-ce que c'est un sujet particulièrement à la mode pour que tout le monde s'y intéresse comme ça? Oui, c'est une notion assez actuelle et finalement assez encombrante hein, puisqu'elle ne cesse d'être actualisée, puis c'est une notion qui est historiquement stratifiée, hein, qui convoque des siècles d'histoire, hein, depuis l'Antiquité, en passant par le siècle des Lumières. Donc c'est vrai que c'est une notion tout à fait intéressante et qui est vraiment centrale pour Larbaud quant à son rapport aux langues, au monde, au paysage, à l'altérité en fait en général, à l'étranger. En fait. Du coup, est-ce que dans l'université aujourd'hui, c'est un écrivain qui intéresse? Est-ce qu'il y a beaucoup de doctorants et de doctorantes comme vous qui travaillent sur Larbaud? Non, il y en a très peu en fait. Pour l'instant, je suis la dernière. Vous êtes la relève. Voilà, je suis la relève. Donc je soutiens bientôt cette thèse. Non, il y a assez peu d'études larbaldiennes. Pourquoi? Comment est-ce qu'on le considère? J'ai l'impression d'une certaine manière que Larbaud a été en quelque sorte frappé d'anachronisme. Hein. C'est comme si on l'avait relégué au monde d'hier, de Zweig, l'époque des wagons-lits, des wagons de luxe. Et d'une certaine manière, la mondialisation que Larbaud, qui n'est pas celle du tout de Larbaud cosmopolite. Mmh. Hein. Larbaud, c'est un cosmopolitisme d'élite hein, et non des masses. Et c'est là-dessus, il y a une fracture qui se place. Et finalement, c'est ça qui, je pense, peut-être crée une distance entre le lecteur d'aujourd'hui et Larbaud. Alors vous faites votre thèse sous la direction de Didier Alexandre, qui devait être avec nous aujourd'hui mais qui a été empêché par la neige. Vous le remplacez donc au pied levé, merci beaucoup pour cela, et vous le remplacez pour parler de Barnabous. C'est ce qui était prévu avec lui. Barnabous, personnage énigmatique, peut-être peut-on commencer par en faire un premier portrait? Alors, premier portrait de Barnabous, c'est tout d'abord de dire que Barnabous, bon, c'est un personnage haut en couleur, mais c'est surtout un personnage écrivain. C'est ça qui est intéressant. Je m'explique un petit peu. Il y a finalement deux Barnabous. Le Barnabous de 1908 et le Barnabous de 1913. Mmh. Le Barnabous de 1908 est un Barnabous au cynisme à peine équarri. Parce qu'il y a deux éditions. Voilà, deux éditions. On reviendra là-dessus, voilà. Hein, parce que c'est très important. Voilà, je peux y revenir maintenant si vous le souhaitez. Hein. Il y en a fait deux éditions du texte de Barnabous, une édition de 1908, hein, donc c'est la parution à compte d'auteur d'un volume anonyme intitulé « Poèmes par un riche amateur ou les œuvres françaises de Monsieur Barnabous ». Hein. Là, on voit quand même qu'il y a une volonté déjà d'entrer dans le champ littéraire quand même de la part de Larbaud, et il y a une volonté de faire scandale. Pourquoi déjà par ce titre? Parce que ce titre est doublement provocateur. Provocateur parce qu'il annonce quand même des œuvres françaises d'un rastaquer américain, quand même, qui a pour nom Barnabous, hein, une consonance étrangère. Donc là, si vous voulez, il y a quelque chose qui se joue, hein, dans une France un petit peu arc-boutée sur sa terre et ses morts, hein, extrêmement nationaliste, à la conscience obsidionale qui a toujours l'impression d'être assiégée. Donc là, qui apparaît, c'est Barnabous, le barbare, l'américain. Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire en effet sur ce sujet. Peut-être avant cela, revenir vraiment sur la description de ce personnage qui est un jeune et riche cosmopolite. C'est pourquoi il vous intéresse. Alors, oui, sa famille est originaire de Suède, c'est ça? Oui, donc il a une famille originaire de Suède. C'est un jeune homme de 24 ans qui a le teint blanc, qui a les cheveux qui tirent au roux. Donc il a une famille qui vient des colons suédois, mais son père a fait fortune en Amérique avec des entreprises notamment de voies ferrées. Mmh. Alors Barnabous, il va être orphelin à l'âge de 10 ans, donc bon, si vous voulez, il y a quelque chose aussi, hein, qui se trame entre Larbaud et ses personnages toujours, hein, parce que Larbaud va perdre son père très tôt, il y a quelque chose qui se joue, donc il devient orphelin et il va hériter de la fortune paternelle et devenir milliardaire grâce à l'exportation du guano. Voilà, son revenu annuel est d'environ 10 860 000 livres sterling, ouais. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. En effet, donc orphelin, pas de frère, pas de sœur, ça veut dire absolument libre. Ouais, libre. Et cette idée de liberté lui tient beaucoup à cœur. Oui, oui, alors c'est vraiment, il y a une volonté de sédition, d'émancipation, hein. Je rappelle par exemple que la première édition de Barnabous, publiée en 1908, a été publiée le 4 juillet 1908, date anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Donc il y a vraiment une déclaration d'indépendance, une volonté vraiment de séditieuse, hein, de faire scandale et une force de rupture en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui fait éruption avec ce personnage. Mmh. On ne parle pas tellement de la mère de Barnabous. On sait que la mère de Larbaud a été un personnage très présent, sans doute, oui, un peu trop. Peut-être qu'il y a une volonté de rupture chez Barnabous par rapport à son milieu d'origine. Enfin, cette, comme vous le disiez à l'instant, Amélie Ozou, cette volonté de partir. Et en effet, chez Larbaud, il y a sans doute eu quelque chose de similaire par rapport à sa mère, à ses, oui, parents. Et alors, la mère de Barnabous, on dit assez peu de choses sur elle. C'est une danseuse, etc., qui mourra très jeune. Mais on a quand même ce même rapport quand même aux figures de femmes, puisque les rencontres, notamment féminines, de Barnabous, ce sont des femmes qui souvent prennent l'aspect d'une figure maternelle, et c'est ce qui fait obstacle notamment parfois aux relations de Barnabous, hein. Il a l'impression d'être sous tutelle en fait. Ah oui, enfin, ça c'est vrai que c'est pas facile pour Barnabous de trouver chaussure à son pied. Écoutons justement cet extrait du journal qui l'explique. Ce matin, à 1h30, je me suis déclaré. De là date ma grande réconciliation avec les pauvres. J'épouse une des leurs. Du reste, mon déclassement commençait par la vente de mes biens. Ma démission d'homme du monde était incomplète sans cela. Désormais, je me dégoûterais moins. C'était après le souper, nous étions seuls dans mon fumoir, assis dans des berceuses, Florie mordant le bout d'une muratie qu'elle n'allumait pas. « Ma chère amie, lui dis-je, j'ai une très importante communication à vous faire. Voici ce que c'est. Mon nom est Archibaldo Olson Barnabouf, de Campamento. J'ai 23 ans. Mon revenu annuel est d'environ 10 860 000 livres sterling. Ma famille, originaire de Suède, vint s'établir au commencement du XVIIIe siècle dans la vallée de l'Hudson. Mon père, jeune encore, émigra en Californie, puis à Cuba, enfin dans l'Amérique du Sud, où il fit fortune. Je suis orphelin, sans frère ni sœur, absolument libre de vivre où je veux et comme je veux. Je suis donc pourvu d'amples moyens et absolument indépendant, et d'une famille honorable. C'est pourquoi j'ose vous dire, voulez-vous être ma femme ? Elle battit des mains en éclatant de rire. Elle n'avait jamais rien entendu d'aussi drôle. Et la plaisanterie n'était pas mauvaise. Sur France Culture. Alors, cette demande en mariage qui finit par faire rire Amélie Ozou. Oui, oui, qui se soldera donc par un échec. Hein. Oui, donc c'est toute la question de Barnamous et aussi un petit peu aussi du cosmopolitisme, parce que le cosmopolitisme a toujours été associé à une certaine galanterie, voire une certaine débauche quand même. Hein. Il y a aussi cette critique-là qui sera faite. Et finalement, bon, bah, Barnabous, au gré de ses pérégrinations, hein, va rencontrer... différentes femmes, mais aussi un ancien ami français, le marquis de Putoiré, qui lui collectionne hein, les souvenirs féminins. Hein, et donc, il y a quelque chose là de l'éros cosmopolite qui se joue. Vous parlez de débauche, c'est pas tellement un débauché quand même, Barnabous ? Non, ce n'est pas encore, ce n'est pas un débauché, hein, justement. C'est plutôt le marquis de Putoiré qui marque cet aspect du cosmopolitisme. Et puis surtout, la clôture du texte, hein, du journal. Le journal de Barnabous quand même nous le montre quand même marié hein, à sa compatriote avant de retourner dans son pays natal. Donc là on est loin si vous voulez du cosmopolitisme nomade. C'est le retour aux origines. Alors il y a quand même cette phrase « Ce matin je me suis déclaré, de là commence ma réconciliation avec les pauvres ». Phrase qu'on vient d'entendre dans cette lecture, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ce qui est intéressant déjà c'est le terme « déclaré » parce que chez Barnabous il y a vraiment une volonté de déclaration d'indépendance. Je crois qu'on n'a pas assez souligné quand même le lien qu'il y avait entre Barrès et Larbeau parce que c'est le journal d'un homme libre, hein, le journal de Barnabous, c'est-à-dire c'est un homme qui défend son moi contre les barbares. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui a une défense du moi, qui a toujours l'impression d'être piétiné, hein, qu'on empiète sur sa liberté. Mm-hmm. Les femmes, hein, mais les amis aussi. Et donc ce terme de déclaration hein, d'indépendance est assez important. Oui, alors évidemment, il y a toute cette question de la richesse et de la pauvreté chez Barnabous. C'est le cynisme de Barnabous ici. C'est un vrai cynique. Alors, il y a beaucoup de postures, il y a beaucoup d'impostures aussi chez Barnabous. Hein. Il y a quelque chose qui relève du masque. Il faut encore rappeler hein, que c'est une entrée en littérature. Donc, il y a une volonté de faire scandale. Il y a une volonté de provoquer. Hein, d'où les borborigmes pour estomaquer littéralement un petit peu le champ littéraire. Il y a cette volonté. C'est un poème sur les borborigmes. Voilà, borborigmes, hein, c'est le premier vers des poésies. Tout de même dont la reduplication d'ailleurs du vers mime hein, une sorte de hoquet spasmodique qui justement vient un petit peu tourner en dérision l'intériorité du symbolisme comme l'a rappelé mon collègue Gilles Charbonnier. Donc il y a cet ordre-là de provocation. On a cela dans les poésies, on l'a aussi dans le journal. Hein, cette volonté aussi, toutes ces professions de foi, de cynisme hein, dont il fait étalage tout au long du journal. C'est-à-dire quand il dit un moment qu'il veut plonger dans l'infamie comme dans un lit très doux. Oui, on pourra écouter tout à l'heure justement cet extrait. Mais alors, quand il dit aussi dans son journal intime « Je hais les pauvres », on a du mal à y croire parce que en même temps, on sent que son argent le dégoûte. Il y a vraiment quelque chose de problématique et qui est peut-être une problématique qui est celle de Valérie Larbeau dans ce rapport à la fortune qu'à la fois on aime, on vit dans le luxe et en même temps, il y a quelque chose vraiment d'insupportable avec cet argent. Le rapport à l'argent est assez complexe hein, chez Larbeau, parce que d'une certaine manière, et là, à l'image de Barnabous, Larbeau, c'est un amateur. Hein. Il revendique ce titre d'amateur, mais il est amateur aussi parce qu'il a pu bénéficier hein, d'une situation favorable hein, socialement, qui lui permettait hein, de ne pas vivre de sa plume et véritablement d'écrire ce qu'il aimait. Donc, dans un sens, il n'est qu'un amateur. C'est peut-être le problème de la richesse, de ne pouvoir qu'un amateur et pas forcément quelqu'un qui est un créateur. C'est peut-être le problème de Barnabous qui, justement, lui, écrit des poèmes et qui aspire à devenir autre chose qu'un amateur. Oui, c'est la volonté aussi de n'être le professionnel de rien. c'est-à-dire aucune entrave, le plaisir avant tout. Il y a vraiment quand même cette notion qui est au centre de la verbalienne, la jouissance, le plaisir, aucune entrave, aucune bride morale ou idéologique. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là chez Larbeau. Il y a toujours quelque chose de paradoxal parce qu'il tenait aussi à se faire payer ses articles, ses chroniques, ses traductions. Donc il y a quelque chose de paradoxal dans ce rapport à l'argent. Il souhaitait véritablement voir la valeur amateur reconnue et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va vraiment applaudir à la réussite de Proust notamment. Alors Barnabout écrit un journal ainsi que des poésies. En voici une intitulée « Le don de soi-même ». Il y a quelque chose en moi, au fond de moi, au centre de moi, quelque chose d'infiniment aride, comme le sommet des plus hautes montagnes, quelque chose de comparable au point mort de la rétine, et sans écho, et qui pourtant voit et entend. Un être ayant une vie propre, et qui cependant vit toute ma vie, et écoute, impassible, tous les bavardages de ma conscience. Un être fait de néant, si c'est possible, insensible à mes souffrances physiques, qui ne pleure pas quand je pleure, qui ne rit pas quand je ris, qui ne rougit pas quand je commets une action honteuse, et qui ne gémit pas quand mon cœur est blessé, qui se tient immobile et ne donne pas de conseils, mais semble dire éternellement « Je suis là, indifférent à tout. » C'est peut-être du vide comme est le vide, mais si grand que le bien et le mal ensemble ne le remplissent pas. La haine y meurt d'asphyxie, et le plus grand amour n'y pénètre jamais. Barnabout, c'est peut-être d'abord un grand indifférent qui vit en effet dans l'oisiveté. C'est un amateur, on vient de le dire. Mais on sent chez lui comme une espèce de dépression légère qu'il soignerait par la littérature. Il y a quelque chose d'assez noir au fond dans cette description d'un monde par ailleurs enchanté. Oui, alors ça, c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup plus dans le journal intime de 1913. C'est vrai que le premier Barnabous de 1908 était d'un cynisme à faire pâlir Gide, hein, tout de même, hein, Gide à la lecture. Il quand en même. Fallait pour le faire pâlir. Oui, il en fallait. Et Gide à la lecture d'ailleurs des poésies, hein, dira lui-même qu'il aurait dû être plus cynique dans ses nourritures. Jean Royer, le directeur de la Phalange, parlera d'une véritable crapule. Donc il y a quand même une vision assez caricaturée, caricaturale quand même du premier Barnabous, qui apparaît beaucoup moins dans le deuxième Barnabous de 1913, avec ce journal intime, d'ailleurs, qui renoue avec la tradition hein, des grands moralistes français, c'est-à-dire la tradition du journal, hein, cette exploration du moi, où là on donne de l'épaisseur à Barnabous en fait, on lui donne de l'épaisseur, d'une certaine manière on le rend moins excentrique, on le recentre, on le police, on le nuance en fait. Et c'est là en effet qu'on peut voir une noirceur, on a en effet des états d'âme, on a une pérégrination de voyage en voyage, de rencontre en rencontre. Voilà, et c'est ça qui fait toute la richesse du journal en fait. Et c'est donc là où on peut reposer la question du miroir entre Larbeau et Barnabous. Il y a un certain nombre de choses qui les rapprochent, on peut en citer quelques-unes. Alors il y a le voyage évidemment, il y a aussi l'étude assidue des écrivains antiques et modernes. Oui. Tous les deux ont cette passion. Oui, oui. Alors ça, c'est très très important pour Larbeau. Hein. C'est quelqu'un qui va défendre hein, les humanités. Hein. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, adresse son œuvre à un lecteur formé aux humanités et aux langues étrangères, ce qui fait aussi, cela limite aussi un lectorat aujourd'hui. Ça le rend hermétique, vous croyez ? Ça discrimine son lectorat, forcément. Mmh. Évidemment, aujourd'hui, ça discrimine son lectorat. Des citations en grec, en latin, en espagnol, en portugais, que sais-je encore, en russe, en polonais, en roumain. Oui, ça discrimine. En même temps, on n'a pas tellement besoin pour la compréhension et pour saisir justement la richesse de ce texte, de comprendre ces citations-là, si. Oui, alors c'est vrai, peut-être Christine Cossé-Fille en parlera, mais c'est vrai que quand même, je pense que tout l'héritage gréco-latin pour aborder la trilogie Amant heureusement est quand même essentiel à la compréhension du texte. Peut-être, si vous voulez, moins les touches de couleur locale, toutes, on va dire, ce Voilà, ce folklore un petit peu qu'on a dans les premières poésies. Bon, là, c'est vrai qu'on peut se passer de connaître les traductions des termes, puisque ce sont vraiment par touches, ce sont des touches de couleurs, en fait. Hein. C'est un métissage un peu superficiel, mais quand vraiment ça forme le canevas même de l'œuvre, ça devient plus délicat, je pense. Donc, une proximité entre l'auteur et le personnage, mais pas d'identification non plus. Et puis, cette question que vous avez déjà un petit peu soulevée, mais qu'on peut creuser, Amélie Ozou, un premier recueil publié en 1908, de manière anonyme. Voilà. C'est-à-dire qu'on considère, enfin, on fait croire que l'auteur du texte s'appelle Barnabous. Oui. Ce sont donc les poèmes par un riche amateur ou les œuvres françaises de Monsieur Barnabous. Mm-hmm. Donc évidemment avec cette volonté un peu de scandaliser le pôle littéraire académique nationaliste à l'époque, avec les œuvres françaises d'un Rastaquouère américain. Bon, c'est tout de même quelque chose. C'est un signal fort qui est envoyé par Larbeau. Et dans cette édition, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on renoue aussi avec la hantise de l'impérialisme américain, parce que Barnabous est américain, il est né à Campamento au Chili, il a été naturalisé citoyen de New York, donc c'est un américain au carré, dirais-je en fait. Il est américain, il publie des œuvres françaises en France, il écrit en français, il se targue d'écrire en français, mais aussi l'édition, et ça c'était la volonté de Larbeau, Larbeau va publier ses poésies aux couleurs roses et vertes des boîtes de conserve américaines. Donc si vous voulez, il y a tout un imaginaire industriel au seuil de l'œuvre qui est extrêmement intéressant et problématique en même temps, puisque d'une certaine manière, on a l'impression que Barnabous nous offre son œuvre comme une sorte de poésie, une sorte de produit littéraire frelaté, enfin quelque chose d'industriel en fait. Mais c'est là où on a du mal à comprendre le positionnement de Larbeau lui-même. Donc Larbeau cosmopolite, on le dit depuis le début de la semaine. En même temps, son personnage pourrait donner au lecteur français l'idée qu'il y a une certaine forme de moquerie envers lui, donc un certain anti-américanisme peut-être, pour ce personnage quand même de... Peut-être pas de nouveau riche, mais un petit peu. Donc il y a un certain nombre de clichés sur les États-Unis, sur le Nouveau Monde. Comment se positionne Larbeau, là encore, par rapport à son personnage, auquel il ressemble, on l'a déjà dit. Là, ce qui est intéressant, c'est vraiment que ça met en place un peu l'antagonisme entre l'Europe et l'Amérique, qui est quand même... qui est assez vif, notamment depuis la guerre hispano-américaine de 1898, qui était un vrai choc, notamment Paul Valéry le rappelle. Donc il y a cet antagonisme, mais pour Larbeau, l'Europe restera le maître du goût, que ce soit en matière de mode ou de littérature. Donc ça permet aussi, en inventant ce personnage, de mettre en valeur cette culture européenne qui est très clairement le centre pour Larbeau. Ah oui, pour moi vraiment il y a presque un européocentrisme chez Larbeau. C'est quelqu'un auquel on a souvent accolé l'épithète de cosmopolite, mais qui reste foncièrement un Européen convaincu. Compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Valérie Larbeau avec vous, Amélie Ozou. Pour aller encore un petit peu plus loin dans cette question de l'auteur, pas l'auteur, qui a écrit Barnabous, est-ce Barnabous lui-même, est-ce Valérie Larbeau, il faut se rappeler qu'on est au début du XXe siècle et que à l'époque, ça n'est peut-être pas aussi évident qu'aujourd'hui de faire une chose pareille, c'est-à-dire de jouer sur le nom de l'auteur, c'est-à-dire de jouer sur le méta et sur ce qui entoure finalement le texte lui-même. Donc on est là dans un grand modernisme, ou en tous les cas, c'est la question que je vous pose. Est-ce que pour vous, là, l'Arbaud va très loin quand même, et assez jeune, finalement, dans la réinvention de ce que c'est que la littérature, bon, pour aller vite. Oui, d'une certaine manière, je pense qu'il fallait cette mystification un petit peu pour rentrer dans le champ littéraire aussi, parce qu'il faut se faire une place. Hein. C'est un Larbaud jeune, hein, parfois qui est très revendicatif, qui est parfois à la limite de l'anarchisme, hein, qui fréquente France Jourdain, Charles-Louis Philippe, Léon Werth. Donc on est quand même dans un anarchisme de pensée. Hein. Alors il y a beaucoup de postures quand même chez Larbaud, hein. Mais je pense qu'en effet, il fallait cette mystification. Alors Larbaud, par contre, était blessé, hein, qu'on l'assimile à son personnage de Barnabous. Larbaud, c'est quelqu'un finalement qui prévient tout délit de lèse liberté et qui refuse d'enfermer son personnage, qui refuse de s'enfermer lui-même et qui laisse d'une certaine manière son personnage vivre, hein, dans l'esprit de ses lecteurs. Mais il y a une problématisation de la relation entre le lecteur et l'auteur à travers cette mystification. Oui, alors ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un dispositif qui est extrêmement complexe, en 1908, puisque on a une publication anonyme, on a le nom d'un poète, Archibald Olson Barnabous, et on a le nom d'un biographe, Tournier de Zamble, qui va notamment écrire un avant-propos. Hein, n'existe évidemment pas non plus. Qui n'existe pas non plus, hein, évidemment, et qui est l'éditeur présumé de Barnabous, et qui dans son avant-propos, d'ailleurs, le décrit comme un auteur plagiaire. Ce qui rejoindrait, si vous voulez, l'imaginaire aussi industriel des boîtes de conserve, hein, l'idée d'une poésie mise en conserve, des restes de l'Europe mise en conserve, parce qu'il y a quelque chose, notamment dans la première partie des poésies de Barnabous, un poème comme Grotesque ou Cheveningue morte saison, on est complètement dans la veine verlinienne, en fait. Hein, Michel Murat l'a bien analysé. Hein, on a des poésies aussi un petit peu proches des poètes du Chat Noir dans la L'Ode à Tournier de Zamble. Donc, il y a cette volonté de pastiche, il y a cette volonté de parodie, de plagiat. Ça pose la question de l'auteur, en fait. Hein, ça pose la question de l'original et de la copie, de l'auteur et un peu et du traducteur. Ça pose ces questions-là. Alors on peut peut-être terminer cette séquence sur Barnabous en redisant que c'est quand même un projet très ancien pour Larbaud, puisque apparemment quand il était enfant, il a déjà conceptualisé ce personnage-là. Oui, alors chez Larbaud, il y a toujours eu ce rêve, hein, de l'écrivain, du poète milliardaire, hein, du propriétaire foncier du globe. Le rêve de Monsieur Synthèse de Louis Bousnard, si vous voilà, voulez. Voilà, Monsieur Synthèse, on peut redire un petit peu qui est ce personnage qui a beaucoup inspiré Larbaud, qui lisait inspiré ses livres quand il avait, je sais pas, une dizaine d'années. Voilà, qui a beaucoup inspiré Larbaud. Hein, bah, c'est un homme qui était tellement riche, hein, qu'il pouvait acquérir, hein, la propriété foncière du globe. Donc c'est quand même quelque chose qui a fasciné Larbaud. Et ça rejoint aussi son étude de l'histoire romaine, et notamment les jeunes empereurs, hein, qui très jeunes, évidemment, avaient un pouvoir colossal. Voilà, il y a un impérialisme larvé. Hein, là-dedans, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. D'où aussi ce goût pour tout ce qui est miniature, les petits états, hein. Voilà, il y a quelque chose, miniaturiser le monde, ça permet aussi de le dominer, en fait. Ouais. Et je crois que quand il avait 15 ans, il avait lu dans la presse un fait divers qui l'avait beaucoup choqué. Oui, de Max Lebody, voilà. Hein. Oui, qui était très jeune, très riche, et qui est mort au service militaire. Donc c'est quelque chose qui l'avait frappé. Bon, Larbaud et l'armée, il y aurait quelque chose à dire. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais Larbaud, oui, il avait. Parce qu'il est mort au service militaire, au fond, parce qu'il était trop riche, parce que on ne l'a pas réformé, il était malade. Et en réalité, à l'époque, cette question était évidemment très sensible. Et donc, on réformait sans doute difficilement. Et peut-être que là, il s'agissait aussi de ne pas réformer quelqu'un qui était considéré comme étant privilégié dans la société. Ça avait beaucoup choqué Larbaud. Oui, puis c'est sa propre hantise, hein, lors de la guerre de 14. Hein. Larbaud va s'engager, hein, ce qui est assez intéressant, parce que finalement, tout ce milieu de la NRF, hein, qui se disait assez indifférent aux questions politiques, va s'engager. En tout cas, va montrer un certain patriotisme, mais il sera réformé pour raison de santé et va servir en tant qu'infirmier volontaire. Merci Amélie Ozou. Je rappelle que vous êtes doctorante, que vous êtes venue ici au pied levé pour remplacer Didier Alexandre coincé par la neige. On le salue. Dans quelques minutes, nous serons rejoints par Christine Cossefi pour parler de Larbaud et le paysage. Mais tout de suite, c'est le moment de notre chronique du jeudi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et tous les jeudis dans la compagnie des auteurs, nous demandons à un grand lecteur de venir nous donner son point de vue sur l'écrivain dont il est question toute la semaine et aussi de signaler une actualité culturelle. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, Marc Poré, professeur de littérature anglaise à l'Université Paris 3. Bonjour. Bonjour. Finalement, bien qu'il soit français, est-ce que Larbaud n'avait pas quelque chose d'un peu british ? Oh, très très british. Et Barnabouth, d'ailleurs, ça vient de Barnes, hein, une localité du Grand Londres. Et puis c'est aussi un hommage à Booth, hein, l'enseigne pharmaceutique. Donc du coup, Valérie Larbaud est anglophile jusqu'au bout des ongles. Il est tellement anglophile qu'il était traducteur. Il était traducteur, c'est à ça que je me suis intéressé. On notera qu'à 17 ans, il s'attaque à la chanson du vieux marin de Coleridge, dont George Steiner dira que c'est une traduction très particulière dans la mesure où il cherche à hugoliser un peu le poème, c'est-à-dire à le rendre plus français. Mais en même temps, c'est la dernière fois qu'il procédera de la sorte. Et à l'avenir, il s'efforcera au contraire de faire ressortir l'étrangeté du poème ou de l'auteur qui l'intéresse. Et donc, on va pas multiplier hein, la liste, mais elle est très longue. Et il s'est donné quelques exemples. Oui, Coventry Patmore, Francis Thompson, Chesterton, hein, un écrivain catholique, mais aussi Stevenson. Donc c'est très varié. C'est ou est-ce qu'on varié. Peut trouver une ligne directrice dans le choix de ces traductions? Oui, une première ligne directrice, ce serait effectivement les écrivains dits catholiques, mais il faut le dire très rapidement, hein, en tout cas fortement marqués de spiritualité. Mais dans le même ordre d'idées, il s'est intéressé à Samuel Butler, dont il fait la découverte. C'est l'auteur de The Way of All Flesh, mais c'est surtout l'auteur d'un roman utopique, ou disons plutôt dystopique, hein, qui s'appelle Air One, que Larbaud traduit. Dans le même temps, il fait connaître Claudel aux Anglais. Donc, du coup, il se situe vraiment comme un passeur. Et puis, on ne peut pas terminer ce point sur la traduction à propos de Larbaud sans mentionner la connaissance, enfin, l'amitié qui se lie entre lui et Joyce. Et puis, à la demande de Joyce, il accepte de revoir la traduction de Morel et de Gilbert, dans laquelle il s'investit beaucoup. On notera que Joyce disait de Larbaud en tant que traducteur: il est très exact, lent, exigeant et un peu timoré. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'il fait la promotion de Joyce, il fait entrer une partie de la nouvelle modernité en France. Et lui, on le considère encore aujourd'hui, alors qu'on a vu avec Amélie Ozou qu'il y a de la modernité formelle chez Larbaud, pas que formelle. Mais il a toujours cette réputation, finalement, d'un espèce de grand classique, mais un peu trop classique. Un peu trop classique, oui, je ne sais pas. Si je reprendrais ça à mon compte, mais c'est sûr qu'il n'est pas allé au-delà de Joyce et qu'il n'a pas en tout cas accepté de faire quoi que ce soit à propos de Finnegan's Wake. Je veux dire qu'on peut l'en féliciter d'une certaine façon. Mais pour élargir le propos, disons qu'il y a maintenant ce grand texte paru en 1946, une première fois, et qui s'appelle donc Sous l'invocation de Saint Jérôme, qui est une sorte de plaidoyer très émouvant. Du traduire, hein, de la traduction. Alors il le place sous l'enseigne de Jérôme, le Romain, comme il dit, traducteur pour les oreilles romaines, pour tout l'Occident latin, c'est-à-dire le père de la Bible latine, l'auteur d'une grande partie de la Vulgate, dont il fait le patron des traducteurs. Et dans ce texte, qui est très libre, décousu, il y a beaucoup de choses, il y a à boire et à manger, mais il y a des remarques tout à fait pénétrantes sur la traduction, comme notamment la pesée des mots. C'est-à-dire que Valérie Larbaud a une très belle image. Il évoque deux plateaux de la balance. Dans un des plateaux, il y a les mots de l'autre langue, et dans l'autre plateau, il y a les mots de notre langue, et il faut que les deux s'équilibrent. C'est tout à fait merveilleux. Et on y trouve toutes sortes de réflexions, je dirais, à bâton rompu, toujours pénétrante sur la langue, sur la philologie, sur l'écriture, sur la création littéraire. Et puis, sur la lecture aussi. Et c'est peut-être ça qui va me donner ma transition par rapport au texte dont je souhaiterais parler. Voilà, actualité éditoriale, c'est pas récent, hein, c'est une reparution en livre de poche. Oui. Arthur Schnitzler et son livre « Gloire tardive », un livre sur les dangers, finalement, de vouloir trop rajeunir. Bonne leçon. Et la transition, elle m'a été fournie par Larbaud, parce qu'à un moment, il dit ceci à propos des lecteurs, hein, dont certains, pas ici en tout cas, hein, sont superficiels et négligents. Quelquefois, dit-il, c'est en voulant nous en parler de nos ouvrages et en faire l'éloge qu'il se dénonce. Mmh. Il nous présente un miroir dans lequel nous ne voyons que notre caricature. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans le récit Gloire tardive. Donc, c'est un inédit qui est apparu en Allemagne en 2014, traduit en français par Bernard Kreis, il faut mentionner les traducteurs, chez Albin Michel en 2016, et repris en livre de poche en 2017. Et donc, c'est un poète, aujourd'hui âgé, Saxe Berger, qui a connu jadis son heure de gloire très passagère. Et puis, une fois retombé l'anonymat d'une existence un peu routinière et confortable. Et puis, le récit débute quand un jeune poète vient le trouver pour lui exprimer l'admiration d'un cercle de jeunes poètes, pompeusement intitulé « Exaltation ». Donc, ils entendent se prévaloir de sa grandeur passée pour mieux se faire accepter de leurs contemporains. Alors, sans vouloir révéler le second tournant du récit, on dira que la soirée littéraire à laquelle Saxe Berger a été censé participer est l'occasion d'un nouveau rebondissement, d'une révélation où se manifeste une vérité triste et cruelle. Alors c'est viennois, c'est fin de siècle, mais ce pourrait être russe et tchécovien. Et en filigrane, on reconnaît les acteurs de la jeune Vienne historique, c'est-à-dire Hofmannsthal, c'est-à-dire Schnetzler lui-même. C'est profond sur l'échec, les illusions perdues, les rapports entre l'art et la vie, les mœurs littéraires, ses vanités, ses petitesses, sur la célébrité, mais surtout, je dirais, c'est admirable de finesse. C'est-à-dire la manière dont Schnitzler navigue entre ironie et nostalgie, sarcasme et désenchantement. Il flirte avec l'intériorité du personnage principal, et ce faisant, il distille une liqueur que j'ai trouvée personnellement douce amère, à déguster sans modération. Merci Marc Poiré pour ce conseil de lecture. C'est donc Gloire tardive d'Arthur Schnitzler qui reparaît au livre de poche. À bientôt. La compagnie des auteurs sur France Culture, au dernier moment d'une émission consacrée à l'écrivain Valérie Larbeau, le créateur du personnage de Barnabous, dont on parlait en première partie, et dont voici l'un des plus étranges poèmes, l'Eterna Voluta, lu ici par François Chaumette. Nulle des choses les plus douces, ni le parfum des fleurs décomposées, ni de la musique en pleine mer, ni l'évanouissement, bref, de la chute des escarpolettes, les yeux fermés, les jambes bien tendues. Ni une main tiède et caressante dans mes cheveux, m'emplissant le crâne de mille petits démons semblables à des pensées musicales, ni la caresse froide des orgues dans le dos à l'église, ni le chocolat même, soit en tablette fondante, fraîche d'abord, puis brûlante, grasse comme des moines, tendre comme le nord, soit liquide et fumant. Ni le fumet d'amande de certains phares, ni la vue des choses à travers des vitres rouges ou mauves ou vertes comme chez Danieli à Venise au fumoir, ni la sensation précieuse de la peur, ni le parfum des lacs, ni les cris matinaux des coqs en pleine ville, nul des plus beaux spectacles, ni la Méditerranée avec son odeur à elle, âcre et bleue, avec son froissement et son battement, si caressants et courts sur les flancs des navires. Non, aucune de ces choses, aucun de ces spectacles ne saurait me distraire de la volupté éternelle de la douleur. Vous voyez en moi un homme que le sentiment de l'injustice sociale et de la misère du monde a rendu complètement fou. Oh, je suis amoureux du mal. Je voudrais l'étreindre et m'identifier à lui. Je voudrais le porter dans mes bras comme le berger porte l'agneau nouveau-né encore gluant. Donnez-moi la vue de toutes les souffrances. Donnez-moi le spectacle de la beauté outragée, de toutes les actions honteuses et de toutes les pensées viles. Je veux moi-même créer plus de douleur encore. Je veux souffler la haine comme un bûcher. Je veux baiser le mépris à pleines lèvres. Allez dire à la honte que je meurs d'amour pour elle. Je veux me plonger dans l'infamie comme dans un lit très doux. Je veux faire tout ce qui est justement défendu. Je veux être abreuvé de dérision et de ridicule. Je veux être le plus ignoble des hommes. Je veux me plonger dans l'infamie comme dans un lit, très douce citation évoquée en première partie de cette émission. J'avais promis qu'on entendrait ce texte. Christine Cossefi, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée de lettres classiques, c'est important. Vous écrivez, vous aussi, malgré tout, sur l'œuvre de Valérie Larbaud, que ce soit dans les cahiers Valérie Larbaud ou dans le volume des actes du colloque, les langages de Larbaud. On va parler un petit peu de ce poème qu'on vient d'entendre, mais qu'est-ce que cela signifie d'abord pour vous, sous la plume de Barnabous, cette volonté d'être le plus ignoble des hommes ? Personnellement, je le vois plutôt comme une réécriture littéraire, une allusion à des poètes comme Lautréamont, comme Baudelaire, plus une volonté peut-être aussi, comme le disait Amélie Ozou, de provocation, comme une sorte de réécriture en fait du réel. C'est-à-dire que le réel est toujours approché chez Valérie Larbaud, et derrière Barnabos il y a effectivement Larbaud. Le réel est toujours approché par rapport au filtre de la littérature. Mmh. Et personnellement, je sens derrière ces poètes, c'est cette mention du mal, effectivement des poètes, une lecture poétique du réel qui est transcrit, qui est passé au filtre de la sensibilité littéraire. Ça, c'est un peu tout Larbaud, ce oui. filtre qui tout met une distance entre lui et la réalité. Et c'est un filtre qui est censé donner une couleur sans doute plus belle à la vie. C'est un filtre qui passe effectivement, comme vous le dites, par les couleurs, mais des couleurs qui sont brouillées, des ciels mouillés, comme chez Baudelaire. Je repense par exemple, dans l'Eterna Voluta, à l'odeur de la Méditerranée, qui est présentée comme âcre et bleue. Mmh. Une odeur âcre, pour la mer, on comprend parfaitement ce que cela veut dire. Mais pouvez-vous me dire ce que c'est qu'une odeur bleue ? Mais bien sûr ! Dites-moi ! Il faudrait un petit peu de temps. Je suis curieuse de le savoir. Donc vous travaillez sur cette question du paysage. Elle se découvre donc d'abord par les couleurs. Ça veut dire que c'est une poésie picturale, la poésie de Larbaud ? Je la ressens personnellement comme picturale, puisqu'on a des touches de couleurs qui émaillent les poèmes. Il y en a trois principalement. Il y a le gris, le bleu et le jaune, qui sont récurrents dans les poésies de Ao Barnabos. Mmh. Mais chaque fois, ces couleurs sont étirées. Ce n'est pas un spectre de couleurs précis, ce sont des couleurs mélangées et associées à des états d'âme. Par exemple, le gris, c'est le brouillard. Et dans le brouillard, ce sont les collines qui sont perçues comme belles et hautes, par exemple. Le bleu, c'est à la fois le bleu du ciel et le bleu de la mer. Et donc, on va étirer le bleu vers le blanc, ou vers le gris, ou vers le vert. Donc, on est toujours dans le dégradé et on n'est jamais dans la le couleur, contraste. Dans la couleur, on n'est jamais dans la couleur précise et on est en général avec des correspondances. Le jaune, c'est le ciel, mais c'est aussi le réverbère. Donc, il se crée des sortes d'équations. La boule ronde du réverbère égale le ciel, mmh. égale le soleil. Et du coup, on a une sorte de série de correspondances qui se crée entre le monde urbain, le monde de la nature et le filtre poétique. Dans Matin de novembre, près d'Abingdon, on le voit parfaitement. Il commence par une promenade près de la Tamise, dans l'air froid, avec ce brouillard qui voile les collines et qui pourtant nous permettent de voir des collines hautes et belles, ce qui concrètement n'est pas possible. Et à la fin, on finit par l'imprécis grandiose des paysages urbains, en passant par les vers de sa main. Mmh. Et alors ça vous évoque un certain nombre de peintres, y compris des techniques aussi picturales comme le sfumato, cher à Léonard de Vinci, qui donnait cet effet un petit peu vaporeux que vous décrivez, oui. Christine Cossefi. Oui, je pense aussi bien sûr aux impressionnistes, à la façon dont, par des touches de couleurs, ils font deviner des paysages, des formes, et qu'ils font vivre, finalement, oui. par ces touches de peinture. Simplement, chez Larbaud, ces touches de peinture sont aussi des fragments de sensations. C'est-à-dire qu'il y a toujours, derrière la touche de peinture, une pensée, un sentiment, un état d'esprit. Mmh. Et je me demande, je ne sais pas si c'est le cas, mais je me demande si Valérie Larbaud avait eu connaissance de l'ouvrage qui a été publié en 1905 par Annie Besant et Charles Ledbetter, je ne sais pas si la prononciation est bonne, qui s'appelle « Les formes pensées ». C'est un ouvrage qui a eu une grande influence, donc qui a été publié en 1905 et qui a eu une grande influence sur les peintres et les pionniers de l'abstraction, notamment sur Kandinsky, dont on connaît l'importance du bleu. Et donc la forme pensée, en fait, c'est une traduction colorée d'état d'esprit. L'idée à l'époque où on vient de découvrir la fée électricité, qui est si importante dans les poésies de Barnabos, l'idée, en fait, c'est de capter les pensées qui sont considérées comme des ondes vibratoires. Et donc ça va donner cette aura que peignent les peintres, qu'on trouve très souvent chez Odillon Redon, mais chez Kandinsky. C'est-à-dire que quand on voit une couleur chez Kandinsky, peut-être que maintenant on ne sait plus la décrypter, mais avant on savait que cette couleur-là codait tel état d'esprit. Mais alors l'état d'esprit de Larbaud, c'est un état d'esprit peut-être brumeux, en tous les cas... Dans l'entre-deux. Dans l'entre-deux, toujours mélangé. Il n'y a rarement des émotions puissantes et univoques chez Valérie Larbaud. On est très souvent dans le mélange de plusieurs sensations et de plusieurs états d'esprit. Tout à fait. On n'est jamais, avec Valérie Larbaud, dans un état d'esprit rationnel, carré. On a toujours un... Ben, c'est un petit peu, je pense, par rapport à ce que vous me dites, au poème Thalassa, où il dit qu'il a sur l'âme un rayon lumineux, le hublot. Et donc, en fonction de cette impression-là, parce qu'il est en fait allongé dans le bateau, et il va voir à travers le hublot la mer et le ciel. Et donc, on est toujours soit dans les profondeurs du mal-être, soit dans un élan lyrique vers le ciel, vers les dieux. Mais le ciel va se révéler taché de blanc. Et du coup, on perd tous nos repères face à cette façon d'esquisser les repères rationnels, comme vous le disiez. Donc, en réalité, il y a beaucoup à creuser dans la poésie de Valérie Larbaud. Et vous notez, par ailleurs, que ça n'est pas quelque chose qui saute aux yeux immédiatement. Vous-même, je crois, quand vous avez commencé à lire Valérie Larbaud, vous n'avez pas vu là un poète avec une profondeur aussi grande que celui que vous connaissez maintenant après l'avoir étudié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce sentiment par rapport à ce poète qui ne s'appréhende peut-être pas immédiatement ? Bien, je pense déjà que, comme on le disait tout à l'heure, le jeu avec la langue et avec les langues forme barrière, puisqu'on a des langues différentes qui émaillent le poème. Donc on est contraint à une gymnastique qui nous fait passer d'une réalité française à une réalité anglaise, puis à une réalité portugaise avec quelques éclats de latin ou autre. Donc érudition qui rend les choses un peu difficiles. Oui, mais c'est pas forcément une érudition, c'est en fait le résultat de la familiarité qu'a Valérie Larbaud avec les langues, qui pour elle en fait sont des êtres vivants. Et donc il veut nous entraîner dans cette réalité-là, mais quand on parle pas par exemple l'espagnol ou le portugais, eh bien cette réalité-là pour nous fait barrage. Je pense par exemple à ce poème justement dont on parlait tout à l'heure, La Neige, où il a écrit un poème dans lequel il mêle toutes les langues, de toutes formes différentes. Ça fait une sorte de chimère linguistique, dont il nous donne fort heureusement une très belle traduction, mais qui crée forcément un obstacle. Et c'est révélateur en même temps de la façon dont Valérie Larbaud est attentif au chant des mots, au champ de la langue et à la volonté de décrypter ce que les mots peuvent vouloir nous dire. Il y a une nouvelle qu'il a écrite qui est absolument imprononçable, qui s'appelle enfin, c'est absolument imprononçable. Vous y arrivez presque. Hein. Non, on n'y arrive pas, c'est pas possible. C'est une erreur de typographie de la machine qui a écrit un titre imprononçable et Valérie Larbaud découvre qu'il a écrit cette nouvelle. Et du coup, il se dit, mais qu'est-ce que la machine a voulu me dire ? Et il se livre à un travail philologique de décryptage, de traduction de ce qui est une machine. Ça arrive à, il arrive d'abord à Rilda me conseille de faire un voyage. Et puis après, non, ça colle pas avec telle partie. Du coup, peut-être que en fait, on me dit de renoncer au voyage pour la douce DLC Rilda. Et donc cette façon d'appréhender le réel me paraît typique de la méthode et de la sensibilité de Valérie Larbaud. Alors Christine Kosseffi, j'ai insisté tout à l'heure pour souligner que vous étiez enseignante de lettres classiques. Ça n'est pas pour rien. Il y a chez Larbaud cette imprégnation notamment de la Rome antique et puis de la Grèce antique et en particulier du poète Théocrite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les liens entre les deux ? Dans les poésies de Aobarnabos ou en général ? En général. D'accord. Donc Théocrite, c'est un poète du 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'inventeur de ce que l'on appelle la bucolique. Mmh. En la bucolique, on pense souvent aux petites chèvres, aux pâtres sous les arbres, etc. Donc c'est vrai. Mais en fait, c'est surtout un lieu enchanté dans lequel, c'est vrai, les pâtres chantent leur peine d'amour dans une nature complice, sous le regard d'un dieu, le primitif Pan, qui est à la fois homme et bouc. Mais c'est surtout, le monde bucolique, c'est surtout le moyen de parler de poésie. Après, ce sera aussi le moyen de parler de politique, de parler de réception des œuvres d'art. Et donc, quand on parle des chèvres, etc., on parle de poésie. Mmh. On réfléchit sur ce qu'est la poésie. Et Valérie Larbaud s'est servie de Théocrite, surtout dans « Beauté, mon beau souci », qui est une nouvelle qu'il a publiée dans « Amant, heureux amant », dans laquelle il fait, dans la deuxième partie de la nouvelle, il fait une référence à l'idylle 1 de Théocrite. Au début de l'idylle 1, le personnage du chevrier, qui est un personnage anonyme, nous décrit une coupe merveilleuse qui est ornée de sénettes. Mmh. Et cette coupe, c'est l'échange, c'est ce qu'il va donner. Cette coupe qui lui est très chère, il va la donner en cadeau à son interlocuteur, Tircis, pour obtenir en échange un chant. Donc il donne sa vie, comme le dira la chanteuse égyptienne Oum Kalsoum plus tard, il donne sa vie pour un chant. Mmh. Et à l'intérieur, il y a des sénettes. Et donc, dans la première sénette, il y a une femme très belle que deux hommes courtisent. Et c'est cette scène-là que Valérie Larbaud va citer dans Amant, heureux amant, enfin dans Beauté, mon beau souci, pour définir la psychologie de son personnage. Avec ce personnage de Queenie. Qui hésite entre deux hommes, l'un plus sensuel, plus érotique, et l'autre sans doute plus mercantile. Original Harding, très riche, voilà. En fait, elle hésite entre deux possibilités, la vie bourgeoise, mais la vie bourgeoise, c'est la vie étriquée. Si je reprends l'expression de Valérie Larbaud dans l'un de ses poèmes, Nuit dans le port, c'est cette vie étroite près de ses excréments. Et de l'autre côté, on a effectivement le personnage de Marc Fournier qui incarne la bucolique théocritéenne. Et derrière Marc Fournier, il y a la poésie théocritéenne de la Sukia. La Sukia, c'est la paix, ce que Valérie Larbaud dans l'ancienne gare de Cahors appelle la paix bucolique. C'est un mouvement en fait de mise à distance de la souffrance par la poésie. Mmh. Est-ce que Valérie Larbaud vous semble avoir choisi entre ces deux modes d'être, d'un côté une forme de confort et de l'autre côté une forme de passion qui peut être aussi difficile à vivre ? Je pense qu'il a choisi la sukia poétique, c'est-à-dire qu'il a choisi en fait le bonheur par la poésie. Mmh. Et donc sorte de bourgeoisie alors finalement ? Non, pas de bourgeoisie, une sorte de pratique, de pratique que je dirais presque charnelle avec les auteurs, avec les mots, et une façon de mettre à distance le réel. Je pense, enfin je ne le connais pas assez pour ça, mais je pense que quand il a été frappé par cette atroce maladie pendant 20 ans, c'est par la poésie intérieure qu'il a pu surmonter le poids des jours, du temps, etc. Parce que le réel, il le recrée. Artificiellement, mais l'artifice, c'est beau pour Larbaud. Certes, il le recrée artificiellement, mais en même temps, cet artifice, c'est l'épanchement dans la vie réelle. Et du coup, les frontières que nous, on place entre les différentes réalités, elles s'estompent. C'est-à-dire que l'artifice devient le réel. Et ça, c'est très théocritéen, c'est très hellénistique, c'est très callimachéen. C'est-à-dire que le réel est reconstitué de façon à être mieux que le réel, oui. Supérieur au réel. C'est un réel par la poésie. Oui. Et puis, il y a la sublimation des sensations, la sublimation du corps féminin qui est presque spiritualisé chez Larbaud. Ça aussi, c'est une façon pour lui d'accepter de vivre d'une certaine manière, d'accepter la vie dans ce qu'elle a de plus banal, de plus triste. C'est vrai. Et en même temps, cette banalisation, cette sublimation de la femme passe par cette poésie des borborygmes, par cette espèce de relation charnel qui se crée entre la femme et lui quand ils se taisent tous les deux pour écouter la chanson de l'œsophage dans les borborygmes. Et c'est quelque chose de très moderne parce que les médecins aujourd'hui nous disent que l'œsophage et les intestins, c'est le deuxième cerveau et c'est finalement plus important quelque part que le cerveau. Ah bah nous terminerons sur ce morceau de poésie. Merci Christine Cossefi. Je rappelle que vous avez participé à de nombreuses reprises au cahier Valérie Larbeau, avec notamment un article paru en 2015 portant sur le paysage dans les poésies d'Ao Barnabous. Je signale également que vous avez publié l'an dernier l'ouvrage 20 minutes de grec par jour, c'est aux éditions Ellipse. Notre semaine sur Larbeau se termine donc aujourd'hui, mais nous nous retrouvons évidemment lundi. Nous serons en compagnie, si l'on peut dire, de Yoris Karl Huysmans. Tout de suite sur France Culture, c'est Jacques Bonafé, la poésie. Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. Nous retrouvons cette fois Livaditis, Tassos Livaditis, poète grec du XXe siècle qui, jeune, mit son écriture au service d'un engagement politique à gauche et puis, vers les années 70, laissa place au rêve dans son écriture, poèmes en prose, irréels et justes, tels que « Porcherie ». Les temps avaient changé. On ne tuait plus, on te montrait seulement du doigt. Ça suffisait. Après, en suivant un cercle de plus en plus étroit, on s'approchait tout doucement, tu reculais, tu te tassais contre le mur et à la fin, désespéré, tu creusais de toi-même un trou pour t'y fourrer. Et quand le cercle s'ouvrait, à ta place, il y avait quelqu'un d'autre, un monsieur tout à fait charmant. Culpabilité de Tassos Livaditis. Je dois l'avouer, j'ai pris des risques. C'est même pour cela que j'ai aimé le monde. Mais pourquoi me sentais-je étranger et toute ma vie lointaine comme si je la lisais dans un livre dont les pages sont tournées par un autre? Je me souviens à peine de quelques rues désertes, certaines paroles implacables et les portes se fermant bien vite chaque fois que nous avions de la visite pour cacher l'abandon où la maison peu à peu s'enfonçait. Pour finir, entouré de tous ces anges, comment gagner de quoi vivre? Puis la nostalgie de ce qui fut perdu avant même notre naissance. Et la nuit, je m'agenouillais dans une ruelle déserte et contemplais dans mon désespoir les étoiles. « Où aller ?» demandai-je. Un soir, j'eus de la compagnie, la honte me prit d'être à genoux. Je fis mine de chercher ces foutues allumettes, ai-je dit tout fort. Avec un peu de lumière, on aurait vu que j'étais devenu tout rouge, coupable de ma grande innocence. » Maintenant, critique de la poésie. C'est un autre texte de Tassos Livaditis, dans L'aveugle et sa chandelle. Critique de la poésie. Et vous attendez quoi, poète? Sortez dans les rues, sautez dans les bus, montez dans les trains pour voir, tandis que vous direz vos chansons, dans la poussière de charbon, fleurir, telle une rose blanche, le rire des conducteurs. Allez au marché, entre les cris et l'odeur aigre des légumes. Il y a là une femme virile aux semelles de bois. Et si vos vers la font rire, cela veut dire que vous n'aurez pas vécu en vain, car cette femme au large visage grêlé qui a vu trois de ses enfants tués n'a pas l'intention de rire sur des vers pleurnichards. Montez avec vos griffes au poteau télégraphique et chantez, puis chantez encore, et agitant comme une casquette froissée votre cœur, saluez l'avenir. Quelques strophes du poème « Mère » pour quitter la Grèce, dans « Je veux partir » de Kostas Kariotakis. Les nuages géants qu'on dirait faits d'argent au fond du ciel de plomb s'éloignent, frappés par le soleil ou frappés par le vent, jusque derrière la montagne. La mer, bête sauvage à un pelage très bigarré, lui donnant un mélange de bleu là-bas, de vert pâle, de gris plus près, une allure des plus étranges. La peur, bon capitaine, retient dans le port les barques de pêche au mouillage, mais ma pensée à quoi s'attache un rêve d'or traîne aux espaces bleus du large. Je plonge en toi, je souffre de te voir souffrir et je me perds dans ton écume, mais de te voir joyeuse au calme revenir, mer, me remplira d'amertume. Merci Jacques Bonafé pour ces lectures consacrées cette semaine aux poètes grecs Livaditis et Kariotakis.